Qui est-ce ? C'est Sandra, non ? Sandra ? Oui, Sandra Schneider. Elle est étudiante. Et elle est sympa ? Oui, elle est dans le cours de français. Elle est allemande. Et elle habite en France ? Non, elle habite à Lausanne, en Suisse.